Les cheveux blancs de la reine par Jules Janin. Le cachot de la conciergerie n'était pas alors revêtu de marbre noir. Ses murailles n'avaient pas disparu sous des draperies de deuil. Il était alors habité par la reine de France dans toute son horrible vérité. L'air qu'on y respirait était infect. Le jour était affreux. Pour plafond, de vieilles ogives destinées aux blasphémateurs sous le règne de Saint-Louis. Pour murailles, de larges pierres humectées par les fossés du château. Pour parquet, une terre humide et froide, et pour meuble, une chaise, un grabat, un paravent troué, derrière lequel se tenait nuit et jour une sentinelle en bonnet rouge, un élu de la nation de 93, comme si, pour garder Marie-Antoinette, ce n'était pas assez des larges portes à triple verrou qui s'étaient refermées sur elle pour ne plus s'ouvrir qu'une fois. Ce jour-là, notre jeune reine sortit plus tôt que de coutume de l'accablement de chaque nuit que ses bourreaux appelaient son sommeil. Le geôlier de la conciergerie lui avait appris la veille, le sourire sur les lèvres, et comme s'il eût parlé à la femme de Robespierre, que le roi était condamné à mort. Et pendant ces 24 heures de ténèbres, la reine avait pu à loisir méditer cet horrible récit. Ce qui se passa dans sa tête et dans son cœur, personne ne saurait le dire. Seulement, ce qui est vrai, c'est que pendant cette longue nuit, l'auguste prisonnière ne poussa pas un soupir, ne répandit pas une larme, qu'elle fut calme et tranquille, et qu'on n'entendit dans son cachot que le bruyant sommeil du gardien placé derrière son lit. Aussitôt qu'il fit assez grand jour dans les cours du château pour qu'un pâle et faible rayon de soleil n'a jeté un mélancolique reflet sur ce grabat sans rideau et sans sommeil, la reine sortit de sa couche, faisant silence, de peur de réveiller la sentinelle endormie, voilant avec sa robe les trous du paravent qui les séparaient. Au reste, ce n'était pas la première fois que la jeune et belle princesse avait été exposée au regard de ces misérables. Elle était encore reine de nom. Quant au château de Versailles, elle fut surprise dans son lit par la nation déchaînée, et ce fut à peine si elle eut le temps de se sauver à demi nue entre les bras de son royal époux. Quand la reine fut levée, elle se mit à prier à voix basse. Alors, en France, il fallait être dans un cachot pour oser faire une prière. La prière était un crime que la liberté défendait, que l'égalité punissait de mort. La reine fit donc sa prière du matin. Elle priait d'abord pour la France qu'elle avait accueillie avec tant de cris d'amour et qu'elle aimait encore de toute son âme, car c'était un des privilèges de cette belle couronne de France de rendre française de cœur et d'esprit toutes les reines qui la portent. La reine pria ensuite pour son jeune fils si beau, si bon, si aimé, si jeune, et qu'elle ne devait plus revoir. Enfin, elle pria pour son époux. Seulement, à sa prière de chaque jour, elle ajouta l'office des morts, pendant qu'au-dessus de sa tête, les cris de joie du peuple se faisaient entendre comme s'il se fût agi d'une victoire. Ainsi pria la reine, et quand elle eut achevé sa prière, elle s'occupa à refaire son grabat pour la nuit prochaine, à balayer sa prison, à remettre en ordre tout ce vide épouvantable. Puis elle plaça sa chaise à la place accoutumée, et choisissant parmi les hardes qui lui restaient, plus pauvre que la dernière femme de son royaume, elle chercha quelques lambeaux noirs pour se faire un deuil. Justement, il lui restait quelque chose du deuil auquel elle s'était condamnée le jour où elle avait vu la tête de son amie, la princesse de Lamballe, portée en triomphe au bout d'une pique dans les rues de Paris. Et quand l'auguste victime, pour achever sa toilette de chaque matin, laissa tomber sur ses épaules et sur son cou d'ivoire ses épais cheveux blonds, il lui sembla, en les mettant en ordre, que leur couleur était changée et qu'ils étaient aussi blancs que les cheveux de son aïeul quand il la pressa sur son cœur en lui disant adieu. En effet, cette belle chevelure que toutes les mères de France souhaitaient à leur jeune fille toutes les fois qu'elles voyaient la reine, comme elle leur souhaitait son esprit et son cœur, cette belle chevelure avait moins d'éclat que de coutume. Mais peut-être que la reine se trompait. Le crépuscule de son cachot était si incertain et si faible, la lumière avait tant de peine à traverser ces étroits barreaux, ce double châssis, ce grillage si fort, d'autant plus qu'à cet instant même, la sentinelle s'était arrêtée à l'entrée du soupirail, et son ombre informe, armée d'un large couteau, se dessinait bizarrement sur le paravent en lambeaux. D'ailleurs, quel intérêt la jeune captive pouvait-elle prendre encore à sa beauté flétrie? Que lui importaient ces traces précoces d'une vieillesse qu'elle ne devait pas atteindre? Il était déjà bien loin, ce temps heureux où, fière de l'amour de tout un peuple, elle arrivait en France, joyeusement escortée de ses 17 printemps et suivie de la bénédiction de sa mère. Alors seulement Marie-Antoinette avait consenti à être la plus belle personne d'un royaume où elle était la plus aimée, bonne et douce princesse. Sa présence avait été pour nous un gage de repos public. Quand elle parut, Les Français, longtemps veufs d'une reine, se précipitèrent sur ses pas, comme pour mieux féliciter son époux. Aujourd'hui, tout était bien changé. Le père du peuple était condamné à mort. Pourtant, rien n'était plus vrai. Une seule nuit avait suffi pour changer la couleur des cheveux de la reine. Une seule nuit avait effacé d'une si belle tête les attributs de la jeunesse. La reine ne s'en aperçut que plus tard, beaucoup plus tard. Un jour, que le bourreau vint pour la délivrer, le froid la saisit sur la fatale charrette. La reine tira sa coiffe sur ses yeux. Il vit alors une touffe de ses cheveux, fragile jouet d'un vent d'automne, aussi blanche que son visage pâle et souffrant, aussi blanche que sa blanche main, cette main que pour sauver la France, craintive et timide princesse, elle avait osé confier un soir à Mirabeau. Cela se passait dans la France du XVIIIe siècle. Il n'y avait pas 100 ans qu'à propos de Henriette d'Angleterre, Bossuet s'était étonné de la quantité de pleurs contenues dans les yeux des rois. Quel n'eût pas été son étonnement et son effroi s'il eût vu notre jeune reine, les cheveux blancs depuis 24 heures, raccommodant au fond de son cachot la robe noire qu'elle devait porter sur l'échafaud teint du sang de son époux. Si les larmes des rois épouvantaient le grand Bossuet, quelle n'eût pas été son épouvante à l'aspect d'une douleur royale qu'il ne pouvait même pas pleurer. Pour de pareilles douleurs, la voix seule de Bossuet était faite. Lui seul pouvait élever le langage des hommes à la hauteur de ses forfaits. Seul, il avait assez de courage et de sainte colère pour regarder en face les souvenirs d'une révolution comme la nôtre, car ce grand homme accablait l'ennemi à force de simplicité dans ses récits. Fort de son génie, il ne craignait pas qu'on lui reprochât d'appeler une réaction. Surtout, il ne croyait pas qu'un régicide pût jamais ou dût jamais être oublié. Au contraire, il s'appesantissait sur les moindres détails, se tenant debout sur l'échafaud de Stuart, jusqu'à ce que la tête de Stuart fût tombée. Soyez donc assuré que si Bossuet vivait de nos jours, il parlerait des cheveux blancs de Marie-Antoinette en pleine chair, avec cette voix terrible et solennelle qui fit trembler la ville et la cour quand il s'écriait « Madame se meurt, Madame est morte !» Jules Janin.